بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Par les figues et les olives, par Tour dans le Sinaï et par cette cité sanctuaire. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Et nous lui ferons subir ensuite la pire des dégradations, sauf ceux qui auront cru et accompli les œuvres pies. Ceux-là recevront une récompense généreuse. Comment peut-on donc contester l'avènement du jour du jugement ? Allah n'est-il pas le meilleur des juges ?